pote à toi que tu considères, même si sa prise extrême de drogue te sidère. Il sort avec ton ex, jusque-là rien de grave. Le blême c'est qu'il t'écrit et qu'il est épave. De temps en temps tu reçois de chouettes SMS qui dit que ton ex suce bien, qu'elle a de belles fesses. Écoute là mon petit gars, tu vas bien trop loin. Plus tu lui fais remarquer, plus il fait le malin. Typo, faut te faire une raison. Typo, t'es le roi des cons. Typo, devant ton miroir, tu fais vomir le reflet qui ne peut plus te recevoir. Puis il déménage dans la ville où tu vis, puis il va dans les bars que tu apprécies. Quand tu sors de chez toi, il est toujours là, il te fait des grands sourires, ton ex dans ses bras. Puis il fait connaissance avec tous tes potes, dès qu'il voit quelqu'un que tu connais, il fricote. Les soirs il taffe à dire des conneries sur toi, il va dans tous les bars pour parler de toi. Il t'écrit pour te dire qu'il va te ruiner. Socialement, il te prévient, il veut t'éliminer. Tu rencontres un tas de gens qui ne te connaissent pas et qui te disent « je t'aime pas, Thibaut m'a parlé de toi ». Thibaut, faut te faire une raison. Thibaut, t'es le roi des cons. Thibaut, devant ton miroir, tu fais vomir le reflet. Te recevoir. Le jour où tu lui tombes dessus, il t'insulte. Le coup part tout seul dans sa gueule de petite pute. Tu t'en sors avec une épaule fracturée. Mais le soir même, il est déjà chez les Condés. Porte plainte et puis vient s'excuser. Il te dit oublions, tout ça c'est du passé. Seulement ce brave garçon a un petit secret. Il a demandé des dommages et intérêts. Thibaut, faut te faire une raison. Thibaut, t'es le roi des cons. Thibaut, devant ton miroir, tu fais vomir le reflet qui ne peut plus te recevoir. Tu reçois une lettre qui te réclame 1000 euros. Premier réflexe, écrira ce salaud. Il te dit mon gars, je te pourrirai la vie, jusqu'à ce que t'en crèves et que tu n'aies plus d'amis. Jusqu'à la fin de ta vie, ça ne s'arrêtera pas. Il te fera des sourires, il te provoquera. Au premier coup cherché, il ira au flic. Il t'écrira bien fait mon gars, je t'ai encore pris ton fric. Heureusement tu as de bons droits d'auteur. Heureusement ton métier c'est d'être chanteur. Alors tu fais des chansons sur son prénom, qui te rembourse ses frais d'hospitalisation. 1000 euros d'amende, ça vaut le coup, je dois dire, pour défoncer un bâtard qui veut te nuire. Surtout quand ses chansons, et c'est ça que j'aime, te rapportent 1500 euros de sa sème. Thibaut, faut te faire une raison. Thibaut, t'es le roi des cons. Thibaut, devant ton miroir, tu fais vomir le reflet qui ne peut plus te recevoir. Thibaut, tu peux en être sûr. Thibaut, t'es le roi des cons. des ordures. Dis pour le jour où tu décèdes, moi je viendrai pisser sur ton cadavre tiède. Sur ton cadavre tiède. Sur ton cadavre tiède. Thibaut.